François Morel, à vous. C'est pas tout ça. Maintenant, faut trouver un nouveau ministre pour l'écologie. Vous êtes fier de vous, Nicolas? À un moment de grâce, vous en foutrez, moi. Est-ce que vous aviez besoin, Nicolas, de reposer cette question? Est-ce que vous restez au gouvernement? Depuis le temps qu'on lui posait la question, il avait envie de répondre autre chose. Moi, c'est pareil. Quand on me demande, vous l'avez pas marre qu'on vous parle toujours des déchiens? Généralement, je réponds non jusqu'à ce que je dise oui, si, j'en ai marre de vos questions à la con. Alors, excusez-moi, Nicolas. Franchement, est-ce que c'était nécessaire, cette question? Je sais bien que vous-même, vous avez été surpris de la réponse. Je sais bien que ce qui s'est passé mardi dernier n'était pas prévu. Il n'y a qu'à voir votre t-shirt. Vous aviez mis celui de tous les jours. Je sais bien que si vous aviez pensé être tant relayé par les chaînes de télé, vous auriez mis une chemise propre. Bon, mais maintenant, faut trouver un remplaçant. Quelqu'un d'aussi connu que Nicolas Hulot. Pas facile. Cyril Hanouna, M. Pokora, Jean-Pierre Pernaut. Quelqu'un peut-être de moins imprévisible que Nicolas Hulot, ce serait bien. Philippe Barbarin, le cardinal, pourquoi pas, jamais un mot plus haut que l'autre, jamais dépassé par ses émotions, quelqu'un qui sait protéger ses équipes, parce que le mieux serait sans doute de prendre quelqu'un qui serait pas trop concerné par le sujet de l'écologie, de même qu'on a retiré à l'ex-patronne d'Actes Sud, Françoise Nyssen, la régulation économique du secteur de l'édition littéraire, peut-être le seul domaine où elle avait un petit peu de compétence. Il faut choisir quelqu'un dont la conviction écologique ne viendrait pas polluer son ministère. Laetitia Hallyday, elle sait tenir sa maison, elle saura tenir un ministère, puis le sens des affaires. Bon, je vois bien, vous n'êtes pas trop convaincu. Je cherche, hein, c'est pas facile. François Hollande, il remonte un peu dans les sondages, il a le 06 de Ségolène. Patrick Cohen, pourquoi pas, il est sérieux, il est compétent, il a pas mal de temps de libre dans la semaine. Bernard Clouzot, pourquoi pas, commandant des gendarmes en Occitanie, les journalistes seraient contents après avoir fait tout un tas de titres sur Monsieur Hulot et ses vacances, il pourrait titrer sur l'inspecteur Clouzot, qui lui aussi est très très marrant. Je cherche, je dis pas que j'ai la solution, il faut réfléchir bien sûr. Il y aurait aussi la solution de nommer Philippe Besson en tant qu'ami de président de la République plutôt que de l'envoyer faire le consul à Los Angeles. Mais là, en ce moment, je ne suis pas sûr que ministre de la Transition écologique et solidaire, ce soit un cadeau. Merci François Morel.